Dossier 2. Deuxième partie. Un nouvel ami. Quelques heures plus tard, François, Corinne et Bernard disent au revoir aux déménageurs. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. Merci, vous avez fait du bon boulot. Je ne vous dis pas la prochaine, hein. Et pourquoi pas? Si vous revenez dans le village, passez nous voir au café. Alors ça, je ne dis pas non. Le camion démarre. Venez prendre un verre, vous l'avez bien mérité. Sans vous, le buffet restait dehors. Entre voisins, il faut s'entraider. Mais je prendrai bien un verre. François, Bernard et Corinne sont dans le salon. Je ne veux pas être indiscret, mais pourquoi avez-vous choisi cette région? Ça va vous changer de Paris. Justement, c'est pour changer. Et puis, il y a le soleil. Une vie plus calme. Des rapports chaleureux avec les gens. On a aussi nos problèmes, vous savez. Il ne faut pas croire que tout est toujours rose ici. Évidemment, mais vivre dans une belle région, ça aide. Et puis mon mari rêvait de monter un restaurant. Et vous aussi, madame, vous allez vous en occuper de ce restaurant? Ah, pas de la cuisine, en tout cas. Je voudrais surtout m'occuper du café. Le transformer, rajeunir un peu la clientèle, en faire un lieu de rencontre où il se passe des choses. Avec tous ces beaux projets, vous n'allez pas vous ennuyer. Si je peux vous aider, je connais tout le monde ici. Je suis né dans le village et j'ai repris la pépinière de mon père. Et je suis aussi bénévole au syndicat d'initiative. Ah oui? Et vous organisez des manifestations culturelles? Mais oui! Des concerts, des rencontres avec des artistes... Il faudrait que vous passiez nous voir. Bien sûr, dès que je pourrai. Maman? Oui? La vaisselle, je la range dans le buffet? Oui, attends, je viens t'aider. Si vous voulez bien m'excuser. Bernard se tourne vers François. Vous savez, il avait peut-être raison, Joseph. Je ne crois pas que ce buffet soit bien à sa place dans le salon. Si on le mettait au rez-de-chaussée... Oh non! Le déménagement, ça suffit, hein?